Milo Rémy Carpoir Curtis, président du club de golf de Saint-Prime sur la Lac Saint-Jean. Au nom de tous les membres, à mon nom personnel, des membres du conseil d'administration et de tous les employés, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une année 2016 remplie de bon golf, de bonheur, d'amour et surtout de santé. Merci de votre support pour la relance du club de golf de Saint-Prime sur la Lac Saint-Jean. La direction et le personnel de l'Intermarché Florent Lachance vous souhaitent une heureuse période des fêtes. Que la nouvelle année vous apporte paix, santé, bonheur et qu'elle comble vos moindres désirs. Depuis 60 ans, nous prenons plaisir à vous servir et c'est avec reconnaissance que nous vous remercions, clients et amis, pour votre support indéfectible. De la part de l'Intermarché Florent Lachance de Saint-Prime, joyeux Noël et bonne année 2016. Le propriétaire du restaurant Subway de Delbaume-Cessy, M. Luc Bélanger et toute son équipe profitent de l'occasion pour souhaiter à sa distinguée clientèle un très joyeux Noël et une bonne année. Et le remercie de leur encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents. Ce sont les souhaits du restaurant Subway situé au 1801 à Delbaume-Cessy au numéro de téléphone 88-276-6848. On est de retour à DanRadioSport.com. C'est une année olympique, Robert. Bon. Maintenant, la revue de l'année dans le monde de la course automobile avec notre collaborateur de course automobile, Patrick Carpentier. Salut, Patrick. Salut, ça va bien. Hey, Patrick, avant de commencer, je suis content de te parler parce que un peu avant la période des fêtes, t'as fait la manchette de la première page du Journal de Montréal, Carpentier de retour en NASCAR. Et mettons que ça me surpris un peu parce que me semble que tu es à l'aise avec la retraite, puis tu étais préparé à la retraite. Oui, exactement, mais tu sais, justement, te répondre, on a eu des discussions. J'ai été passé comme plusieurs pilotes l'ont été, je pense, à ce niveau-là. Puis, on m'a parlé peut-être de faire une ou deux épreuves en série sprint la saison prochaine. Ça se dit, Colin, ben oui, ça me tenterait, ça m'intéresserait certainement, mais sans plus, là. Oui. Fait que ça, j'ai été surpris. Écoute, l'article était super flatteur dans le Journal de Montréal, puis il disait que j'étais un bon candidat, puis j'apprécie, mais sauf que, écoute, non, pas pour le moment. On a juste eu, j'ai jamais parlé à l'équipe, j'ai pas d'entente, puis, fait que, non, en ce moment, c'est vraiment l'état. Mais Patrick, puis t'es bien à la retraite, hein, de la manière que Louis Butcher disait, c'est que tu t'ennuyais de la retraite, de la compétition. D'abord, est-ce que tu t'ennuies vraiment de la compétition? Ouais, mais je retournerai pas en compétition, tu sais, c'est vraiment... Ouais. Le but, là, ça serait d'aller pour quelques épreuves, et puis pour BMP et tout ça, mais non, pas du tout. Écoute, j'en serais hyper heureux si ça arrivait à la décision finale d'aller faire quelques courses, parce que ça me permettrait d'essayer les nouveaux bolides aussi, puis aussi d'en parler, puis tout, puis fait que non, de ce côté-là, écoute, j'aimerais ça en faire, mais de là à retourner. Donc, Patrick, on va y aller avec notre rétrospective de l'année. D'abord, on va commencer en F1. Ça a été une année vraiment, une année plate, tiens, parce que c'était une domination complètement de Lewis Hamilton et qui a terminé avec 381 points. C'est Mercedes qui est avec son coéquipier également Nico Rosberg qui a complètement dominé. Écoute, Mercedes 703 points, Ferrari 428. Ça donne une idée un petit peu, hein? Oui, exactement. Écoute, ça a été la plus grosse domination de l'histoire. Ouais. Au niveau de Mercedes, même, je pense que c'est le plus grand nombre de combinés 1-2 avec 12 dans la saison, je pense. Pour eux, là, c'est un nouveau record au niveau du pointage aussi, au niveau de tout. Fait que, en résumé, comme tu dis, c'est une des années les plus ennuyeuses où c'est toujours les mêmes qui se battent. Mais en 2014, ce qui était le fun, c'est qu'on a eu une bonne bagarre avec Nico Rosberg pendant la saison. Là, c'était, il y a eu des courses plaisantes, des bons dépassements, des affaires comme ça. Mais cette année, on a eu moins un peu. Nico, c'est incliné vraiment, écrasé même, je dirais, vis-à-vis Lewis Hamilton. Lewis, évidemment, levé le pied en fin de saison après qu'il avait eu son championnat, mais sauf que à ce niveau-là, mais ça a été plus ennuyeux, comme tu dis. Tu sais, je pense que la F1 le savent. Mm-hmm. Ils ont des décisions à prendre aussi. Faut qu'ils les prennent assez rapidement, tu sais, parce que en ce moment, tout le monde se bat pour le spectacle, puis le nombre de spectateurs dans les estrades, puis tout. Fait que les commanditaires, et ainsi de suite. En jeu, les, oui, les commanditaires, parce que les ports, parce que ça a été la fin de saison, on est quasiment pour eux. Quelque part, est-ce que tu es prêt à payer quand tu as une saison de main, dans le fond? Oui, exactement. Puis je vais te dire, moi, ceux que. Puis c'est un parallèle à la F1 un petit peu aussi, que j'applaudis. NASCAR. C'est vraiment NASCAR parce qu'ils font des essais. T'sais, ils ont essayé avec beaucoup plus d'ailerons, ils ont essayé avec beaucoup moins d'ailerons. Ils essaient toutes sortes de techniques puis de choses pour justement améliorer le spectacle. Puis écoute, quand ils ont enlevé l'aileron, l'appui aérodynamique, pas juste les ailerons, là, mais l'appui aérodynamique en général. Écoute, on a au-delà de 2100 dépassements, puis l'an prochain, ils s'en viennent avec ça comme réglementation. Ils vont toujours avoir des équipes qui vont être plus fortes que les autres, mais sauf que le but, c'est vraiment d'améliorer les dépassements, les spectacles. Les spectateurs sont beaucoup plus exigeants qu'ils l'étaient dans le temps. T'sais, dans le temps, même si ça gagnait avec 5, 6, 8, 10 secondes d'avance, ça dérangeait moins. T'sais, même en NASCAR, tout le monde disait « C'était mieux dans le temps, mais les gars gagnaient 7 tours d'avance. Ouais. » Mais tu parles de changements. On sait qu'il va y avoir des grands changements qui s'en viennent dans la F1. Bernie Ecclestone est sur le bord de vente de toute la F1. C'est là que ça va se faire, les changements, quand il y aura une nouvelle direction. Hein? Oui, c'est ça, exactement. Il y a des belles autos qui ont dessiné avec toute sa famille, toutes sortes d'affaires. Toutes sortes d'affaires au niveau de la technologie qui ont. Avancées qui peuvent être bien intéressantes, mais écoute, depuis plusieurs années, on est dans une période vraiment de changement. Là, on dirait que le sport automobile doit se réinventer. Oui, effectivement. Du côté de l'Indy maintenant, c'était l'année de Scott Dixon qui a terminé avec 556 points, le même nombre que Juan Pablo Montoya, mais c'est Dixon qui a terminé en première place. Oui, ça a été serré. Ouais. Écoute, j'étais content pour Montoya. J'étais impressionné parce qu'il y a quand même de l'âge et tout ça. C'est un pilote avec énormément de talent. Ça a été une bonne lutte là, jusqu'en fin de saison. Fait que de ce côté-là, l'Indy a eu un bon championnat. C'est Justin Wilson, hein, le dessin de Justin Wilson, encore une fois. L'IndyCar, finalement, là, tu sais, on pensait que... Hey, je t'entends pas. Non, tu m'entends pas bien? Ouais, vas-y, l'IndyCar. Oui, l'IndyCar, Patrick, avec Justin Wilson. On pensait qu'avec quand Dan Weldon a rendu l'âme, que l'IndyCar allait changer un peu, mais le décès de Justin Wilson prouve encore qu'il y a encore des problèmes. Oui, il y a encore des problèmes, mais tu sais, c'est le sport automobile. Ouais. C'est ce qui est arrivé à Wilson. C'est vraiment un freak accident, comme on dit. C'est que le morceau tombe exactement quand il est passé. Ouais. À ce moment-là, à vitesse qu'elle est, il va toujours en avoir. Tu sais, moi, je trouve que ça fait partie, malheureusement, du sport automobile. Et puis, si t'es prêt à risquer, ben, t'es prêt à le faire. Tu sais, sauf que il y a toujours des améliorations à porter. Mais au-dessus de 200 000 à l'heure, il va toujours avoir des problèmes. Ah, c'est clair. Maintenant, si on parlait maintenant du côté du NASCAR, c'était une année tout à fait exceptionnelle, encore une fois. Ah oui, ça a été une belle année, moi, te le dire. Je suis content des décisions que NASCAR ont prises, ce qu'ils ont fait, ça a rendu... On a eu tout un spectacle, même ces ovales, ça a été des courses impressionnantes, rebondissements. NASCAR ont complètement modifié la façon que le championnat se déroule, les points, la chase, depuis l'arrivée de la chase, c'est un cadeau... pour tout le monde, tu sais. C'est sûr que c'est plus dur comme pilote, puis ils sont pas tous d'accord, mais Colin, que c'est fantastique. Hey, c'était... Écoute, à la dernière course, t'as encore 3 puis 4 pilotes pour le titre, là. Et ça, tu l'as mentionné comparativement à la F1. La F1, c'est souvent décidé, et peut-être que c'est le meilleur championnat du sport automobile, c'est la NASCAR, dans le fond, là, parce qu'il y a toujours un enjeu. Ouais, moi, je pense que c'est... Oui. Moi, je pense que NASCAR est excellent. La formule qu'ils ont pris, puis le championnat du monde de rallycross aussi, le rallycross aux États, je pense que c'est des bonnes formules pour les jeunes d'aujourd'hui, tu sais, les vidéogamers, puis tout ça. Fait qu'on va voir ce que ça donne. Le NASCAR, écoute, c'est vraiment fantastique. Tu le vois, les codes d'écoute sont excellentes en fin de saison. Tout est... pointe pour, dans la direction qu'ils entreprennent. Là, tu sais, toi, que les fans ont aimé. Et peut-être ce qu'il y a à travailler là-dedans, c'est peut-être, dans le fond, que réduire le temps. Par contre, tu sais, 4 heures, puis ça, Patrick, on en a parlé dans les entrevues précédentes. Une course de 4 heures, c'est long. Oui, moi, je trouve que c'est long. Hein? Une course de 4 heures, moi, non, ouais, je suis pas, pas vraiment d'accord avec ça. Ça, ça n'est une chose que NASCAR doivent travailler à. OK. Ils savent, bon. D'ailleurs, mais sauf que c'est complexe avec les contrats ouais. télé, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment. Ça va peut-être changer quoi quand la négociation de la prochaine convention collective, pas de la convention collective, mais du contrat de télévision, c'est-à-dire? C'est peut-être là que ça va changer. Ouais, c'est ça que, ouais, on va voir. T'sais, plus ça passe de temps à télé, plus c'est payant. Mais sauf que si les gens s'entendent et n'en écoutent pas à moitié, à un moment donné, ils vont être obligés de jouer. Ouais. Formule E. Après ça, on va aller à la pause. Formule E, Patrick, au moment où on enregistre l'entrevue, on vient juste de terminer le Grand Prix d'Uruguay. Jacques Villeneuve n'a pas été en mesure de commencer à rentrer dans le mur, évidemment. Jusqu'à maintenant, Patrick, tu m'en as parlé lorsque Villeneuve a signé à F1. Tu me disais, tu te posais des questions sur la motivation de Jacques, mais est-ce que jusqu'à maintenant, est-ce qu'il surprend quand même dans sa motivation? C'est sûr que là. Oui, son attitude plus que sa motivation. Ben, je le sais que Jacques a une motivation sans égale. Là. C'est sa passion pour le sport automobile, pas d'égal. Fait qu'au niveau d'être motivé, ça il l'est, mais c'est plus, je dirais, au niveau de l'équipe. Je te dirais, je t'inquiète un peu à savoir s'il allait toffer le coup, tu sais, parce que quand tu roules pas 1-2, des fois, c'est plus efficace, puis finalement, ça m'a fait d'abord qu'il nous a trouvé. OK. Donc, Patrick, si tu peux moi, on va aller à la pause. On vient dans quelques secondes je te garde un petit peu pour savoir qu'est-ce que tu peux avoir pour 2016. Donc, vous êtes à l'écoute de la rétrospective de l'année dans la course automobile.